un roro, c'est pas du blaqué. J'ai pas compté tout le bif que j'ai claqué. Je peux pas me faire claquer, je peux pas ouvrir mon clapet. Tous ces petits rappeurs, c'est du calqué. J'ai enchaîné les passes, les reprises. Pardon, je suis pas héritier d'une grande entreprise. Toujours eu la maîtrise, le danger, je le méprise sous l'emprise de la drogue. Je raconte pas ton violon, sinon je vais être violent en une minute. Et faire une dame qui pointe dans 10 minutes. J'ai reçu les vers à 5 sur 5. J'pipe le bosseur pour qu'il distribue. Mon équipe est méchant comme la BG de Créteil. On ramène le pollen en voiture séquentielle. Mes émotions sont à la poubelle. J'veux la vie de Tony, le mental à la pastel. Je me vois faire le tour de la terre, faut que j'éloigne des problèmes. Je me vois faire le tour du monde avant d'un jet privé. Je pense à trop de choses, je me vois raconter toutes mes idées. Ça m'arrive de dormir vers le 16, dans un 5 étoiles, dans le ciel étoilé. Je suis sous végétal, je me sens trop bien quand je suis dans un classe G, classe G. J'm'en vais dîner au Georges 5, dans un classe G. Sur mes chansons, je te aurais dit son blue. Je connais Bellis comme mes 4-5 poches. À part si j'ai placé l'outil, big up à toi, mon ref, big up à toi, Zen. Car j'ai ce magic, je me prends pour Frank Lanzen. Rap à faire génie en singe. Je suis avec le Skyver par d'Italie, j'ai les lunettes. Je pars dans FG, mais c'est éphémère. Je suis encore dans HLM, mais c'est éphémère. Donc pour l'instant, je dois charbonner. Je dois charbonner. De toute façon, je suis pas si loin du but. Fais ce qu'il enquête, mais le sale fait que j'encaisse. Je me vois faire le tour de la terre, faut que j'éloigne des problèmes. Je me vois faire le tour du monde avant d'un jet privé. Je pense à trop de choses, je peux pas raconter toutes mes idées. Ça m'arrive de dormir vers le 16, dans un 5 étoiles, dans le ciel étoilé. Je suis sous végétal, je me sens trop bien quand je suis dans un classe G, classe G. Je m'en vais dîner au Georges 5, dans un classe G. Ça m'arrive de dormir vers le 16, dans un 5 étoiles, dans le ciel étoilé. Je suis sous végétal, je me sens trop bien quand je suis dans un classe G, classe G. Je m'en vais dîner au Georges 5, dans un classe G.